L'aube revient, Raleskill s'en va. Le combat tient, sur Twitch, les drops tombent encore. Dans ce monde, il écrit l'aurore.